les six bourgeois de Calais. Alors, messire Jean de Vianne quitta les créneaux, gagna la place du marché et fit sonner la cloche pour rassembler les gens de toutes conditions dans la halle. Au son de la cloche, ils vinrent tous, hommes et femmes, car ils désiraient vivement savoir les nouvelles, comme des gens si accablés par la famine qu'ils étaient à bout de force. Quand ils furent tous venus et assemblés sur la place, hommes et femmes, messire Jean de Vianne leur communiqua, le moins brutalement possible, les conditions dans les termes mêmes où elles ont été exprimées ci-dessus, et leur dit bien que c'était la seule issue et qu'ils eussent à délibérer et à donner prompte réponse à ce sujet. Quand ils entendirent ce rapport, ils se mirent tous à crier et à pleurer, si fort et si amèrement, qu'il n'aurait pu se trouver cœur assez dur au monde pour les voir et les entendre se lamenter de la sorte sans les prendre en pitié. Et ils furent sur le moment hors d'état de répondre et de parler. Et messire Jean de Vianne lui-même était si apitoyé qu'il en pleurait avec grande affliction.